On va parler de Ballante. C'est le début ce soir de la Ligue de Ballante de Roberval et on en parle avec Jonathan Thibault. Ça fait des années, Jonathan, qui s'occupe de la Ligue de Ballante. Salut, Jonathan. Salut, Danny. Ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Oui, ça fait pas mal de temps. 3-4 ans au moins que tu suis la Ballante. Tu t'occupes de la Ballante, plus que ça même de ça. Ah, Danny, j'aimerais ça te dire 3-4, là, mais c'est la 11e, officiellement. OK, 11e. Il faut aimer ça, hein? Une émission organisée. Okay. Puis les deux années d'avant, on faisait juste des locations à l'époque. OK. Donc, je pense que ça a monté pas mal, hein? Parce que, veux pas, le baseball, c'est la Ballante, c'est un petit peu le dérivé du baseball. Et après le départ des Expos, je vais aller loin, là, mais ça jouait plus beaucoup à Ballante. Puis là, c'est revenu, là. Ben on avait quand même une transition avec la popularité là du soccer, en effet. Il y avait moins le baseball mineur, ben c'est ça va ensemble, hein. Quand le baseball mineur a tombé, donc les organisations ont commencé là à tomber, ben en effet il y a eu moins de baseball, moins de relève. Les joueurs de baseball, que ce soit de la balle rapide ou de la balle donnée, les joueurs deviennent vieillissants, puis tranquillement pas vite, c'est plus dur ses articulations, puis on se trouve d'autres activités. Donc, il fallait comme refaire la banque de relève, si on veut. Mm. Donc, comme je te le disais, là, dans les années 2009-2010, on était à peu près juste pour être 20 joueurs, puis vois-tu, là, on pète le 70 joueurs aujourd'hui. Ce qui est très bon, en fait, là, 70 joueurs, ça veut dire combien d'équipes? Ça veut dire au moins 6-7 équipes? Ben nous, on est 6 équipes. OK. On est 6 équipes, là, puis on a une banque de remplaçants là, qui est autour là, de 20-25 joueurs. Ah, c'est bon. Donc, tu sais, au total, là, si j'englobe les remplaçants, c'est environ au-dessus de 80 joueurs là, qui participent à notre ligue. De tout âge? Oui, de tout âge, ben, à partir de 18 ans, naturellement. On a très peu de jeunes de 18, 19, 20 ans. Okay. Mais la moyenne là, se situe davantage dans le 25-45. C'est-tu une ligue participation ou c'est une ligue pour le plaisir? Une ligue compétitive ou c'est un peu un mélange des deux? On fait un hybride, mon cher okay. Danny. C'est-à-dire que c'est toujours c'est un loisir pour le plaisir. Il y a un classement, il y a des séries éliminatoires, il y a le grand trophée. On est tous un petit peu compétiteurs, mais on fait ça dans la bonne humeur, dans le plaisir. Puis moi, je trouve que c'est la formule gagnante. C'est pour le plaisir, comme je viens de te dire. Mais chaque année, nous, ce qui est peut-être particulier à la ville de Roberval, dans notre ligue, c'est qu'on effectue un repêchage. Okay. Donc, il y a des capitaines, tout le monde s'inscrit, il y a un repêchage. Comme ça, ça fait en sorte que l'ensemble des équipes, il y a une parité dans la ligue, puis tout le monde est capable de se battre un soir donné. Mm. Donc, c'est certain que si on allait avec un modèle où chaque capitaine ou chaque groupe d'amis faisait sa propre équipe, ouais. Probablement qu'on pourrait se retrouver à 6-7 équipes en ayant 2-3 très fortes, okay. 2 moyennes, puis peut-être 2 plus faibles. Ben oui. Donc, c'est qui équivaut, c'est pas mal le fun. Le COVID, vous as-tu dérangé l'année passée? Écoute, je me rappelle, si je me rappelle bien, c'était même pas commencé par les dates. Donc, est-ce qu'on peut considérer que c'est une année normale? C'est pas tout à fait normal, mais on est très proche de la vérité. OK. Je te dirais que, vois-tu, on commence ce soir, le 15 juin. D'habitude, là, on commence aux alentours là, entre le 20 le 20 mai, le 1er juin. Là, ça joue tout le temps dans ces eaux-là, selon la température. Okay. Donc, on a un petit peu de retard sur le début de saison. Puis, par rapport aux restrictions, ben écoute, là, c'est essentiellement des règles sanitaires qu'on a appliquées. Donc, on fait ça de concert avec le service des loisirs. Nous, tout ce qu'on veut, c'est jouer. La ville, c'est ça qu'ils veulent aussi, là, que leurs infrastructures servent, puis que tout le monde respecte les règles en vigueur. OK. Donc, si on parlait maintenant des commanditaires, est-ce que ça a été bon cette année de ce côté-là? Oui, ça a été très bon, en fait. Là, on a, ben, pour faire le lien là-dessus, là, c'est bien qu'il m'en parle, Danny, c'est l'année passée, on a, nous, on demande tout le temps là, un certain montant, comme on dit, de la part de nos partenaires qui ont les chandails, donc ont leur nom d'équipe. L'année passée, à raison de la COVID, saison écourtée, donner un répit aussi aux commerces et entreprises là, qui nous épaulent depuis tant d'années. On n'a pas demandé, on n'a demandé aucune contribution financière. Donc, on les a remerciés là, avec une lettre. Et puis cette année, bon, là, on revient à la normale. Et puis nos six commanditaires, je vais prendre le temps là, de les dénommer, c'est important. Nos six commanditaires principaux et deux et plus deux autres partenaires qu'on a cette année. Ouais, donc, Perron Megavac, le Saint-Hubert, IW, Garma Impression, Pièce d'Autoroussel, Barre Zodiac, Port Expert et nouveau cette année. Unibrave, je sais pas si tu as sûrement entendu parler, Danny, là, au niveau de la confection de vêtements avec comme fondateur Pierre Guillemette, qu'on s'est associé à lui. Okay. Donc chaque joueur va avoir son chandail de ligue de marque Unibrave. Et puis ça va permettre en sorte que la ligue va pour la bonne cause là, pour le camp, va remettre 7 chandails pour enfants. Ainsi que 350$ à l'UQAM. Donc, c'est une cause qui nous tient à cœur, puis on est très, très heureux de ce nouveau partenariat-là. OK, ben c'est pas mal le fun. Donc, il faut savoir que les ligues, chaque équipe a un commanditaire. Donc, ça, c'est un commanditaire, en fait, c'est ça? Oui, c'est ça. Il y a 6 équipes qui ont leur équipe. Ouais. Et puis, étant donné qu'on a 8 partenaires, ben, Sport Expert ainsi qu'Unibrave ont des chandails, là, il y en a un qui est un dry fit, il y en a un qui est un chandail à coton ouaté, avec leur marque sur le chandail. Donc, tout le monde a sa visibilité quand ils sont partenaires avec nous. OK. Ben, on va s'en reparler bientôt, donc vers la fin de l'année, on fait toujours une entrevue. Est-ce que vous allez faire des matchs avec Saint-Félicien? Est-ce que ça a l'air à brasser pas mal à Saint-Félicien aussi? Est-ce qu'on peut parler des quelques matchs ou non? C'est pas à l'horaire. T'sais, on a quand même, on joue 2 fois par semaine à Saint-Félicien et on aura un très condensé aussi. Okay. C'est sûr que normalement, Saint-Félicien font un tournoi. En situation habituelle, il y en a un à Robert-Val aussi. Fait que, par rapport à nos ligues, on ne se croise pas. Mais par rapport au tournoi qu'on fait dans chacune des 2 villes respectives ou ailleurs dans la région, oui, on croise des gens, des joueurs de Saint-Félicien là, en tournoi, disons. OK. Ben, on s'en reparle bientôt, on va m'amener vers la fin de l'année, Jonathan. Ben, ça va me faire plaisir, Danny. Voilà, Jonathan Thibault, qui est le responsable de la Ligue de Ballande de Robert.